7.25, observation, interrogation et inversion. 1. Est-il sportif? 2. Sont-elles sportives? 3. Fait-elle du ski? 4. Travaille-t-elle? 5. Robert a-t-il de l'argent? 6. Parle-t-elle anglais? 7. Va-t-elle en France? Notez que dans les phrases 1, 2, 3 et 4, les pronoms commencent par une voyelle. Il, elle, elle, et il y a une consonne, T, à la fin du verbe. Il y a donc liaison. On prononce le T. Dans les phrases 5, 6 et 7, les pronoms commencent aussi par une voyelle. Mais il n'y a pas de consonne à la fin du verbe, il y a une voyelle. A, E. On ajoute alors un T entre le verbe et le pronom pour séparer les deux voyelles. Remarquez que le T est une terminaison verbale fréquente à la troisième personne. Par exemple, il est, il fait, ils ont, elles sont. Notez que le T supplémentaire est placé entre deux traits d'union.